Exercice numéro 15. Exercice numéro 16. Exercice numéro 17. Exercice numéro 18. Exercice numéro 19. Exercice numéro 20. Exercice numéro 21. Thank you. Exercice numéro 22. Exercice numéro 23. Exercice numéro 24. Exercice numéro 25. Exercice numéro 26. Exercice numéro 27. Exercice numéro 28. Exercice numéro 29. Exercice numéro 30.